ok, yeah. Un peu un mémoire qui répète, bébé, je t'enfonce des mots. Enlève ta cagoule, ta mère est une pique, je pèse mes mots sur un tableau. Alors je prends la plume pour te décrire que ton père prend les prunes, fait prendre le cul. Et toi, Google Verio, fais sauter. Voilà le clash PD, il t'as en pleine face, il des chats, tu te payes des trisos. Prends un verre d'eau et l'arme du Colorado, n'oublie pas des mouchoirs façon grosse pétasse. J'ai un rap qui t'éclate. Alors si tu dans te plantes sans cagoule, tu me fais juste marrer, pleurer, délirer. Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur façon inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça tirait bien. Et me claquer en pleine réalité. Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur façon inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça tirait bien. Et me claque en pleine réalité. Et me claque en pleine réalité. Monsieur le dictateur, faites que jouer l'acteur façon inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça tirait bien. Une claque en pleine réalité. Et me claque en... Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur. Un éducateur, un secteur dans le secteur, un coup de poing, ça tirait bien. Et une claque en pleine réalité, une claque en pleine réalité. Ok, t'arrives dans ma putain de cité, je suis excité. Je veux pas te le répéter, je suis là pas, je suis là pour te planter, pas pour glander, pas te faire sauter comme un putain de kamikaze. Tu as l'air de kiffer, sale PD. Et si tu tapes pour la marque d'un jean, oublie pas la coca, l'héroïne. Tu tapes une quoi d'une rue. Viens pas faucher le clochard. Tu t'as traumatisé, Zerma, tu viens te faire sodomiser. Par le kill du rap ici, mettons la texte alors que je viens te teaser ton texte. Il y a une merde dans mon putain de secteur. Il y a une merde dans mon putain de secteur. Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur face inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça dirait bien. Une claque en pleine réalité. Une claque en pleine réalité. Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur face inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça dirait bien. Une claque en pleine réalité. Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur. Monsieur l'inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça tirait bien. Une claque en pleine réalité. Je prends une claque en pleine réalité. Le 3-0, je deviens. Et la clash, elle pleut, voilà. C'est pour le rappeur né masqué. On dirait que t'as peur, t'as les boules maintenant. Ok, monsieur le dictateur, peut-être que je veux l'acteur, pas son inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça dirait bien. Une claque en pleine réalité. Une claque en pleine réalité. Une claque en pleine réalité. Totalité, éclaté, défoncé par un guide à Bordeaux en 360. Il ici de compteur dans le secteur, ma talente, la tête de bouche. Chut, ta rue vient t'effacer. Monsieur le dictateur, vous faites que jouer l'acteur par un inspecteur, éducateur dans le secteur. Un coup de poing, ça tirait bien. Une claque, la pleine réalité.